yo délégué quoi à toute maman pour yon coffre paré pour planter pour tout mon aller. Yo délégué quoi à toute maman pour y a pé pour mener inviter les amis pour demain matin et bonheur pour y aller dans mer. Y a pé pour mener inviter les amis pour demain matin et bonheur. Où y aller ta mère? Yo coffre paré pour planter pour toute mon année. Yo délégué corps à toute maman pour. Yon coffre paré pour planter pour tout mon année. Yon délégué corps à toute maman pour. Y a pé pour mener, inviter les amis. Pour demain matin, bien bonheur, pour y aller ta main. Y a pé pour mener, inviter les amis. Pour demain matin, bien bonheur, pour y aller ta main. L'elle fait 3h du matin, on peut encore chanter. Maman pour lever, petit jour derrière, mal fini volé, mais t'as pas en rêve, pour t'être gagné à ma volée, ou qui prend devant. Kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, mal fini volé, oh. Mama boo, Kodak, Kadis, I didn't go quite in a mamma. I didn't go quite.